de guida di un messembolore o la mia bandiera, o la mia bandiera, ti ego la mia bandiera in ogni monte scolpito, no di là ogni legge, no di gasta ogni un derido, si per me la scorsa vita di l'arburo sembra rito, o la mia bandiera, o la mia bandiera, io ego la mia bandiera in un pianto di l'uccello, in la mano che si può dire, in la risa di un zitello, si la mia per me l'ultimo anello, un mio ramo, un mio viale, o la mia bandiera, o la mia bandiera, ti vedo la mia bandiera in un vecchio campo santo, in un vasto di amore, in la rima di un mio canto, si per me l'eterna braccia sta. Jennifer et le groupe Voce Ventu sur France Bleu Brésisel en langue corse à 16h19. Nous poursuivons notre émission en compagnie d'Alan Stivell qui est notre invité jusqu'à 17h dans Fier de ma Bretagne. Dans quelques instants, on va découvrir le coin qui lui est cher en Bretagne. Il s'appelle le Porcelet Rose et c'est à Plouet en direct que je vous le présenterai dès 10h ce jeudi. Nous parlerons naturellement de saveurs de la table au Porcelet Rose. Auparavant, dès 9h, je vous amènerai à la rencontre de Didier Le Dimette qui se dévoue pour le club de foot d'Inguignel-Plouet depuis 1981. Et ça, c'est de l'engagement. Le 16-18 de France Bleu Brésisel, c'est avec Axel Perret. Alan Stivell, notre invité sur France Bleu Brésisel à l'occasion de la parution de sa première autobiographie aux éditions Ouest France. Stivell par Alan, une vie, la Bretagne, la musique. Il y a plus de 200 photos. Certaines, vous ne les avez jamais vues. C'est vraiment un trésor aussi pour mieux vous découvrir par votre œil à vous d'artiste, œil intime aussi. Alors, vous êtes né, j'allais dire, par les aléas de la guerre et de cette époque 1944 en Auvergne, à l'époque de l'occupation. Vous grandissez et vous vivez à Paris. Et puis, un jour, vous choisissez aussi la Bretagne. Alors aujourd'hui, Alan Stivell, quel est votre coin chéri, préféré de Bretagne? Alors c'est vraiment Langonnette, hein. Langonnette, parce que j'avais cette envie viscérale en fait, étant jeune, de pouvoir un jour acheter une maison dans le coin de Gourin, enfin dans tout le pays de Gourin, j'ai pu le réaliser en fait en 73. J'avais déjà eu l'Olympia, il y avait tout ça, et c'était vraiment un rêve de réenracinement et de retrouver et ce qui a été formidable, c'est toutes ces amitiés et alors les cousins étaient plus sur Gourin, mais je retrouvais aussi quand même quelque chose qui avait du lien avec ma famille à Langonnette. Ça allait jusqu'à un confessionnal qui avait le nom de mon nom de famille, en fait, Jean Cochevelou. Donc il y avait tous ces liens qui étaient importants pour quelqu'un qui était déraciné à un point que peu ne connaissent, en fait. Parce que rien que par le temps qui est passé, que mon grand-papa paternel est mort au 19e siècle, que mon l'éloignement, ma maman, n'en parlons pas. Alors là, c'est venant de très loin. Donc tout ça qui participait en fait, les tombes de mes grands-parents, je les connais pas. Donc il y a ce déracinement qui peut-être a joué son rôle en fait dans cette envie de si important de culture bretonne, mais l'Angonette restera toujours dans mon cœur, au centre même de mon cœur. Quoi. Vous avez à peine 30 ans, 5 ans avant, je crois, oui. Vous avez rencontré votre compagne, Marie-Josée, oui. Devenue votre femme. Et puis à une époque, donc on est en 73, peut-être aussi, il y a eu un effet de starification aussi, il y a eu l'Olympia, 1973, je regarde, 3 de vos disques sont dans les plus vendus en France. Oui. Donc besoin aussi peut-être de vous éloigner, d'aller dans un lieu un peu plus tranquille, et c'est votre Bretagne là qui vous attire à ce moment-là, Alain Stivell. C'est-à-dire que il y avait besoin d'un petit éloignement en fait par rapport à quelque chose qui me dépassait, ça me dépassait en tant que personne, parce que le côté star me correspondait pas humainement. Donc il y avait vraiment une sorte de décalage qui m'a fait encore plus ressentir ce besoin de me recentrer vers mes racines, et puis aussi peut-être c'était vrai aussi sur le plan de la culture elle-même, c'est-à-dire que moi-même ma langue bretonne s'est affinée, etc., aussi au contact de la terre des pères. À quelques kilomètres vers le nord, on est dans la Haute-Cornouaille, pays d'Annie Hébrel. Et vous avez choisi, Alain Stivell, de nous faire écouter Annie Hébrel, la chanteuse des Côtes d'Armor. Pour quelle raison ? Parce que en fait, cette chanson-là, je trouve, c'est un coup de cœur. J'ai rencontré Ronan Pélen. Vous parliez tout à l'heure de Jacques Pélen, mais son neveu qui a participé à cet album, et du coup c'est quand même important que dans mon livre je parle des collègues en fait aussi. C'est ça, tout au long des années, des 70 années de musique, hein, vous citez Dan Arbraz évidemment, rencontré à Bénodet alors qu'il est serveur dans les années 60, Aria Wang, Denez, Nolwenn Leroy, Annie Hébrel aussi. Ouais. Oui, je parle de tous les gens qui sont arrivés. Alors, comme maintenant que je suis vieux, j'ai eu le temps de voir beaucoup de nouvelles têtes, en fait. Et pour moi, c'était une joie. Qu'est-ce que c'était mon rêve, en fait. C'était mon rêve de partager cette passion avec un maximum de gens. Donc, de voir de nouveaux artistes, de voir chacun qui va développer quelque chose de plus... concernant des gens comme Annie Hébrel, ça fait partie de gens l'aspect racine prend encore plus son sens, puisque moi il y a les racines mais elles sont moins profondes d'une certaine, ou alors faut les creuser très très loin, et ça serait presque plutôt une espèce de bon de recherche de fuite en avant peut-être plus qu'autre chose, quoi. Et donc des gens qui manifestent cette une sorte d'authenticité de la culture bretonne qui est dans ses bases, qui est vraiment importante, et puis tout en étant créatif. Hommage à la poésie bretonne et notamment aux mots d'Angela Duval, hein, sur cet album L'Élix. C'est donc Annie Hébrel, le choix d'Alain Stivell sur France Bleu Brésil dans Fier de ma Bretagne. On va écouter Terdwen Hlaz sur France Bleu Brésil. Noir. Annie Ebrel avec son album Lélic sur France Bleu, Brézizel et des poèmes inspirés de Angela Duval, mise en musique. C'est le choix d'Alan Stivell qui est notre invité dans Fier de ma Bretagne. Finalement, Alan, vous dites dans le livre, l'autobiographie Stivell par Alan, breton de Vévar Brézade, ça c'est important la nuance, hein. Breton devenu habitant de la Bretagne. Alors, moi, on voit peut-être ce côté peut-être emmerdant des fois de cette espèce de j'aime bien les mots, j'aime bien jouer avec les mots et j'aime bien quelquefois aller pinailler quelquefois sur les mots et moi il y a une chose qui me titille toujours beaucoup, c'est évidemment quand le breton amène de la précision par rapport au français, je suis pas chauvin, mais je déteste pas non plus, quoi. Donc breton, c'est la culture bretonne. Quand on parle, parce que du coup il y a quand même un problème. Je veux dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand on voit comment les choses vont mal sur Terre, on peut pas dire que les notions d'identité, par exemple, ne jouent pas leur rôle là-dedans, quoi. Et du coup, être dans beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de frustration, beaucoup de guerre, des fois idiote, vraiment très idiote, puisque se bagarrer des fois pour des ambiguïtés qu'il y a dans les mots, par exemple en français, sur l'identité. Par exemple, en breton, c'est tout simple. On habite la Bretagne, on vit en Bretagne, on paye ses impôts en Bretagne, on est citoyen de la Bretagne, quoi. Et donc le breton suggère par Breizat cette notion-là. On est de culture bretonne, de famille bretonne, etc. On est breton, dans le sens qui rattache symboliquement à cette notion plus culturelle, etc. Et où est le problème? Il n'y a pas de hiérarchie entre breton et breizat. C'est deux concepts différents, deux angles différents. Est-ce que les deux peuvent arriver à souvent, heureusement, d'ailleurs, les deux se rejoignent. Il y a beaucoup de Breizats immigrés qui soient immigrés de Paris ou immigrés d'ailleurs, qui petit à petit acquièrent quelques notions de culture bretonne. Bon, voilà quoi. Et il y a beaucoup de Bretons qui sont contrairement à moi nés en Bretagne, etc. Mais qui connaissent pas un mot de breton, etc. quoi. Donc il y a tout ce monde-là, mais je trouve intéressant que le breton puisse amener cette dédramatisation de la question. Alan Stivell, avec nous dans quelques instants, on va aussi écouter l'un de vos premiers enregistrements. Vous nous parlez aussi peut-être un petit mot de votre maman. On a parlé de votre papa, oui, dont les racines, la famille est du côté de Langonnette, hein, votre coin préféré que vous avez détaillé tout à l'heure. Jusqu'à 17h, on parle de Stivell par Alan, votre première autobiographie. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Vigilance jaune aux vagues submersion pour le Finistère et le Morbihan ce soir. Donc soyez prudents, le vent va se calmer en tous les cas pour ce qui est du Finistère. Et on a toujours du vent, une vigilance pour les Côtes d'Armor avec cette nuit 15 degrés. Demain toujours du vent, des averses, ça sera moins l'après-midi avec 18 degrés. Sur la route, attention à un véhicule accidenté à Ploumagoire. près de Guingamp sur la N12. Il est sur le bas-côté, donc ça ne gêne pas en direction de Saint-Brieuc. Mais les travaux à Plélo vont ralentir sur 2 km dans le sens Saint-Brieuc vers Guingamp. L'infotrafic 100% local avec Inforoute 29, service vous alertant des travaux, déviations, accidents sur les routes départementales finistériennes. Toutes les infos sur finistère.fr, rubrique Inforoute 29. L'artiste parle de lui-même, son point de vue sur une carrière absolument phénoménale. Hein, 70 ans que la harpe qu'avait construit son père a révolutionné la musique bretonne et celtique. Stivell par Alan, une ville à Bretagne, la musique vient de paraître chez West France. Et on en parle avec vous, Alan Stivell, avec ces magnifiques photos. Elles sont plus de 200, certaines n'ont jamais été vues. Il y a de vos dessins aussi, on découvre que jeune, vous aimez beaucoup, beaucoup dessiner, que vous avez dessiné des pochettes de disques, de vos disques notamment. Et puis vous entrez aussi dans l'intimité, votre intimité, celle de votre famille, et on en découvre un petit peu plus. On a parlé beaucoup de votre père, et c'est vrai que son chemin est lui un peu plus connu. Du côté de votre maman, alors là, les racines sont multiples, par le Jura notamment, côté de sa maman elle, mais aussi l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine, qui est évidemment dans l'actualité en ce moment, Alan Stivell. Oui, l'Ukraine, la Lituanie, enfin, quelque chose de vraiment très très éclectique, en fait, les racines, et tellement éclectique que finalement, ça s'est presque annulé, enfin, d'une certaine manière. Et ma maman, je parlais de viscéral tout à l'heure, et toute sa vie jusqu'à sa mort, en fin de compte, il y a eu viscéralement une forme de rejet, d'espèce, plus qu'un même une sorte d'oubli, comme c'est un peu comme si penser aux origines de son papa, c'était comme s'il y avait de la souffrance, quoi, parce que ce monde de l'Europe de l'Est, de l'Ukraine, de la Russie, tout ça, déjà à l'époque, ça représentait pas le bonheur, quoi. Et je crois que elle voulait tellement vivre et que ses enfants vivent dans le bonheur, qu'il y a eu ce rejet toute sa vie, au point que j'ai vécu pendant 60 ans sans arriver à déterminer d'où venait son papa, quoi. Mon grand-père maternel. Alors, par contre, ma maman, c'est elle qui... Est-ce que c'est une raison qui a été peut-être la plus demandeuse, en fin de compte, de réenracinement en Bretagne et de pousser mon père à se raccrocher à nouveau à sa bretonitude. Et non pas au Jura ou aux racines de l'Est. Alors vous dites dans le livre, j'ai hérité de mon père les calembours et l'amour de l'étymologie. On parlait des mots justement entre bretonne et bréisade, c'est pas la même chose. Et de votre maman, elle a toujours été un soutien formidable dans toute votre carrière, Alan Stivell. Vous retenez quoi d'elle? Avant toute chose, je disais, c'est elle par exemple qui a poussé un peu mon papa à reprendre le lien avec les cousins de Gourin, les cousins de la Trinité-sur-Mer, et grâce à ça, évidemment, j'ai eu mon premier coup de foudre. C'était un coup de foudre physique, en fait, avant la musique. C'était quand j'avais 5 ans. Ce sont mes premiers souvenirs, en fait, d'enfant, tout simplement. Et ces premiers souvenirs, c'est à la Trinité-sur-Mer. Je rencontre une de mes cousines, et puis c'est que ce côté paradisiaque, que ça paraît impossible pour un Breton de Bretagne, qui puisse comprendre presque ce que peut ressentir quelqu'un qui était dans ces quartiers de ces quartiers de Paris de l'époque, qui étaient noirs de suie, de fumée, de saleté, d'une certaine manière, quoi. Presque pas en ruine, mais bien abîmé, le bruit, tout ça, ce mélange d'odeurs, de gazole, de tout ça, c'était, j'avais ça, quelque chose un peu que je ressentais. Pourtant, je vivais là, mais je ressentais ça très mal. J'arrive à la Trinité-sur-Mer, c'est évidemment exactement l'inverse, mais c'est quelque chose de paradisiaque. Donc, il y a une sorte de Bretagne presque sublimée, bien entendu, quoi. Et c'est votre maman qui pousse à ce chemin-là, à cette découverte, finalement, de la Bretagne. Et puis après, mon papa, c'est pas ma maman, par contre, qui a poussé mon papa à reconstruire une harpe celtique. Donc là, quand même, ça a été quelque même chose. Même s'il avait fait pour elle. Oui. Vous l'avez raconté. C'est quelque chose qui a été vraiment tellement central. Et puis après, ma maman qui pousse ses enfants à aller au scout breton de Blémore de Paris. etc., etc. Donc tout ça qui a eu beaucoup d'importance dans ma formation, puisque tout à l'heure scout breton, bagade, donc qui dit scout, il y avait aussi la langue qui commençait à être de plus en plus là. Et puis moi, c'était évidemment j'étais d'une hypersensibilité, ce qui fait que je suis passé à une sorte de sentiment extrême, en fait, pour tout ce qui touchait au monde celtique. Alors justement, on va en parler dans quelques instants, et de l'importance qu'a eu votre parcours aussi chez les amis écossais, irlandais, et cet accueil incroyable sur toute la planète, que ce soit à Rotterdam ou en Australie. Juste après avoir écouté quelques mesures d'un des plus vieils enregistrements qu'on vous connaisse, Alan Stivell, 1959, après 6 ans de quelques concerts, notamment en première partie de Lynn Renault à l'Olympia, vous enregistrez sur un album collectif chez Vogue, avec Yvette Nichols, ça s'appelle Braise Mabro, et puis il y a Moes Braise qui est le premier disquaire breton, et on va vous entendre ici avec la chanteuse Andrea Arguil sur l'un des 45 tours. Il y en a eu 4 produits entre 1959 et 1961. Arsor Cérez, Alan Stivell à la harpe et Andrea Arguil au chant. De morale à la sorcière, Arsor Cérez, hein, si ce monde-là est à toi, l'autre monde est à Dieu. Voilà, l'un des premiers, tout premiers enregistrements avec la chanteuse Andrea Arguil, Anne Stivell, on vous entend avec la harpe. Et sur ces premiers 45 tours, donc on est en 59, 60, 61, chez le disquaire breton, premier disquaire breton Moes Braise, il y a ce qui est le premier enregistrement en solo d'un harpiste breton. Hein, puisqu'il y a aussi des enregistrements solo sur ces 45 tours. Oui, il y a des titres en solo, et puis il y a aussi un 45 tours de harpe solo qui s'appelle Musique gaélique, Alors là, vous ouvrez tout de suite eh bien, à nos amis écossais et irlandais. Oui. Dès le début, dès vos premiers enregistrements. Oui, parce que déjà, de ma part, déjà, il n'y a jamais eu de séparation entre la Bretagne et l'arrière-pays de la Celtie d'Outre-Manche, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est... Là, je ne vais pas employer quatre fois, cinq fois le mot de viscéral, mais vraiment, il est là, quoi. Et du coup, ça peut même énerver parfois, parce que... mais on est obligé d'équilibrer un petit peu, parce qu'il y a quand même eu la place, en fin de compte, juste rapidement là-dessus, la place du monde celtique, elle a quand même été très très longtemps quand même sous-mixée dans le mix global de ce que reçoivent les gens, que ce soit dans l'éducation ou partout. Et donc, insister un petit peu là-dessus est important parce que la Bretagne, en fait, a besoin de ses deux poumons, en fait. C'est difficile de nier qu'il y a cette influence française, culture française, langue française, tout ça d'un côté. Et puis, il y a bien de l'autre côté, le monde celtique, qui est aussi important, qui est peut-être même plus important. Alors, vous vous souvenez des premiers enregistrements avec Herman Wolf à Quimper, le disquaire, oui. Donc il lance sa maison disque en 1950, donc vous faites partie des premiers artistes à être... Il paraît que ça se fait comme ça, dans son salon, c'est une prise, hein, si ça marche, on garde. Ça a été enregistré à différents endroits, il y a eu un disque qui était plutôt dans la salle à manger, puis un autre qui était dans le garage, c'est assez étonnant. C'est pas trop mal en fait, mais c'est pas forcément les conditions idéales pour enregistrer. Mais Gilles Kermar qui vient d'écrire un bouquin sur la maison disque, oui, qui raconte si la prise était bonne techniquement, s'il n'y avait pas eu de coupure, de problème, on la gardait. Voilà, même si l'artiste n'était pas très content. Ouais. Mais ça reste finalement pas si honteux que ça, en fait, on sait pas pour faire. Je veux pas faire mon fier. Ah, c'est un magnifique duo. Alors après, parce que du coup, le mot duo, il a toute sa valeur parce qu'en fait, mon papa a beaucoup, mon tadi, qu'on pourrait dire, a beaucoup insisté sur cette notion quand on a été subjugué par la voix d'André Arguil, mon père et moi. Mais mon père voyait évidemment une façon aussi d'épauler un peu cette renaissance d'art celtique, c'est-à-dire que la voix d'Andrea, qui allait aider aussi cet instrument aussi à se diffuser, en montrant aussi la qualité que l'instrument avait pour le chant. Et pour mon père, l'harpe n'accompagnait pas la voix, c'était un duo entre deux voix cristallines. Tout à fait. Alors il y aura le 45 tours, vous l'avez dit, de musique gaélique, suivi d'un 33 tours, hein, Télène Gueltier, qui met à l'honneur la Bretagne, l'Écosse, l'Irlande. Vous dites dans le livre, l'autobiographie, Stivell Paralan, j'ai été tout de suite attiré par l'esprit celte, l'univers celtique, parce que ça me paraissait aussi proche de la science-fiction. Oui. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au fantastique, la mythologie celtique est encore plus fantastique que toutes les autres mythologies. En fait, moi, j'ai toujours ce sentiment que on a tous appris la mythologie grecque, latine, tout ça, et en fait, il y a un côté qui est presque trop concret. Déjà, les dieux grecs et les dieux latins, ce sont des imitations d'humains. Donc, ça fait pas si tellement rêver. Quand on rentre dans les brumes du monde celtique, on va dans des mondes beaucoup plus mystérieux. Et du coup, quand on est attiré par le mystérieux, il y a quelque chose de tout à fait normal, en fin de compte, de passer de la science-fiction à la mythologie celtique. Et alors, d'autant plus que ça se justifie par tout simplement ce qu'elle exprime parfois quand la mythologie celtique parle de la relativité du temps. Quand un individu se retrouve enfermé dans un espace qui est un petit peu, qu'on ne sait pas trop si c'est vraiment qui est une sorte de sous un tumulus, mais qui est situé sous terre, mais qui est en réalité aussi dans un autre espace, quand des espèces de palais mélange où vous avez un mélange de cristal, de métal arrive du ciel. Et que la personne qui descend sur Terre voit les humains 100 ans plus tard, on est dans la relativité espace-temps. Donc la liaison entre mythologie celtique et science-fiction est évidente. Alain Stivel, avec nous pour parler de ce livre qui vient de sortir chez West France, Stivel par Alan, Une vie, la Bretagne, la musique. On se retrouve juste après Christophe Willem. Je tourne en rond sur France Bleu Braise Isel. Petit cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon nom sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille, faut voir comment je déraille, comment je perds mon sang, froid en un instant. De samouraï, et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Je tourne en rond sur France Bleu Braise Isel dans Fier de ma Bretagne. Nous sommes avec Alan Stivel. Le 16-18 de France Bleu Braise Isel, c'est avec Axel Perret. 70 ans de scène, notamment avec la harpe celtique que son père a fabriquée. Et puis, des rendez-vous importants avec le public, hein, l'Olympia 72, Zonarchiste, premier enregistrement professionnel. Des tournées qui vont vous amener, Alan Stivel, parfois devant 300 000 personnes. Je ne sais pas comment ça fait d'être à Rotterdam devant 300 000 personnes. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que j'ai moi... Quand on pense que j'étais un grand timide de départ, ça pouvait être un peu dur. Heureusement, on arrive en fait à oublier. En fait, faut pas forcément trop regarder les gens. Il faut peut-être mieux regarder ses cordes de harpe déjà, pour pas se tromper. Alors vous avez important. Un instrument qui est petit à l'époque et vous l'emmenez partout parce que dans le livre il y a des photos. Vous êtes sur les plateaux de télé, vous êtes en loge et puis tout le monde s'intéresse à cet instrument qui renaît dans les années 70. Dieu sait que je parlais de Rotterdam 1973, c'est l'année incroyable. Il y a trois de vos albums qui sont dans le top 30 du hit parade et c'est l'époque où vous côtoyez Sardou, Johnny, Serge Lama, peut-être Mort Schumann un peu plus. Mort Schumann, oui effectivement, Mort Schumann, le parolier catalan là. Son nom m'échappe. En tout cas, il y a une photo, on vous retrouve tous, c'est assez incroyable. Vous êtes les stars des années 70. Et d'ailleurs, je rappelle une anecdote amusante quand Johnny Hallyday, je suis dans l'entrée du Martinez à Cannes, au Midem, et il s'approche de moi en disant, ben moi j'ai tous vos disques, mais je les achète parce que c'est trop long de l'avoir par notre maison de disques. Alors que vous êtes dans la même maison de disques, oui. Philips. Mm-hmm. Il va donc les acheter chez le disqueur. Il me fait une réflexion qui m'a étonné sur le moment, en me disant, bah, oui quand même, Quiberon, la Trinité sur mer, c'est plus très breton. Et vous connaissez. Vu l'image qu'on a de Johnny, on n'imaginait pas qu'il aurait quelque chose de profond finalement. Et en rapport même avec la langue ou la culture bretonne, c'est surprenant. Erwan Masson a cherché à l'inviter de nombreuses années à Molène, où il y a son fan club le plus à l'ouest, oui. Et puis malheureusement ça ne s'est jamais fait, mais je crois qu'il aurait aimé voilà, le côté île, rude et nature aussi de Molène. Vous êtes devant l'une des photos de votre livre, Stivell par Alan, et alors il y a un grand rendez-vous à Londres, au Royal Albert Hall. J'y vais un peu au hasard, et ça rejoint un petit peu ce que des fois que souvent j'ai l'air d'insister un petit peu, mais c'est pas des gloires personnelles. Moi, ce qui me touche, c'est c'est le souvenir de 5000 Anglais qui tapent dans les mains et qui dansent en écoutant quelqu'un chanter en breton. Moi, c'est ça qui me parle le plus, et c'est ça que j'ai toujours envie de dire aux gens, parce que c'est aujourd'hui il y a quand même une majorité de gens en Bretagne qui ne savent même pas, quoi, qui savent pas que l'impact que peut avoir du chant en breton, en Australie, dans les stades italiens et partout. Alors du coup, j'ai l'air un petit peu de me glorifier de ça, mais moi c'est une joie de voir ce partage qui est possible. Et comment une culture minorisée comme ça, en fait, peut séduire des gens, des foules dans le monde entier, et puis ça va jusqu'à des peuples aborigènes, ça va jusqu'à des Sherpas de l'Himalaya, ça va jusqu'à des Amérindiens au Mexique qui dès les premières notes, c'est leur musique. Ils considèrent qu'il y a quelque chose de tout à fait incroyable. Comment une musique avec ses racines bretonnes, celtiques, parle à des gens, des peuples les plus improbables de la planète. Plus que plein d'autres formes de musique, hein, qui sont des musiques qui ont plus de frontières. Et en fait, c'est ce qui est incroyable avec la culture bretonne et musicale, c'est qu'elle a pas de frontières. Et puis dans votre travail, hein, dès 70, votre premier album pro, Zonarchiste, donc c'est un traditionnel, une chanson à boire, mais tout de suite vous écrivez Brocéliande, qui est de votre composition, et selon les albums qui vont se suivre, vous alternez entre innovation et racine, entre création et tradition. Donc c'était important pour vous d'être plongé, de bien vous connaître d'où vous venez et d'innover. C'était ça votre Alan Stivell. Il y a toujours eu cette envie, en fin de compte, de forme d'extrême. C'est pas un extrême sur le plan politique, mais un goût des extrêmes sur le plan artistique. C'est-à-dire, c'est tout et son contraire presque. Hein. C'est tout à l'heure j'évoquais un petit peu un des côtés qu'on n'a pas passé tout à l'heure, mais d'un Brison Negroque version très électronique, par exemple. Mais à un autre moment, j'aime beaucoup un chant a cappella, point à la ligne, quoi. J'aime un côté symphonique, j'aime toutes les formes de musique, à partir du moment où je les remodèle à mon goût à moi. En fait, hein. Et ça me paraît l'éclectisme. On va pas parler de l'actualité, mais l'éclectisme, c'est quand même, on pourrait pas considérer qu'il y a une sorte de méthode Coué dans l'histoire, mais il y a quand même il y a un côté peut-être un peu éducatif qui a peut-être manqué un peu partout. C'est dès l'enfance, la musique qui rassemble la culture, les cultures, montrer à quel point justement comment tenir à sa culture, à ses racines comme je le fais, et comment être autant ouvert au reste du monde, et que ça on le montre en musique. Et du coup, faut partir comme ça, faut être enfant et vivre ça. Et on peut commencer par la musique et ensuite vivre un peu mieux ensemble. Vous racontez dans le livre que l'un de vos meilleurs concerts, c'est à Pleyel. C'était il n'y a pas très longtemps, en 2022, avec une version de votre symphonie celtique numéro 2, avec l'Orchestre National de Bretagne. Et puis, on aura le plaisir aussi de vous voir en président d'honneur pour parler de l'Écosse. Elle est à l'honneur du Festival du Livre en Bretagne à Carhaix les 28-29 octobre. Donc ce sera le prochain rendez-vous avec les Bretons. Puis j'aimerais qu'on se quitte sur une petite touche légère. Vous ne parlez pas beaucoup de cuisine dans ce livre, mais vous avez quand même une petite recette qui vous est familière, Alan Stivell. Et donc, c'est assez unique de la proposer aux auditeurs de France Bleu Brésil. Je regarde surtout Marie-Josée le faire, mais j'adore le goûter surtout. Quoi. Elle fait souvent ça parce qu'elle étonne un peu les gens, parce que tout le monde connaît le diplomate, tout le monde connaît les œufs à la neige, mais elle a une façon de faire particulier, c'est-à-dire que pour les boudoirs, elle met une casserole, elle met dans une assiette des boudoirs mélangés rhum agricole, eau et sucre, après elle les trempe un par un, elle tapisse le moule, elle met une assiette, elle met de la confiture d'abricots entre chaque couche de boudoir, ouais. Et après donc l'assiette permet de bien compacter ça. Puis alors de l'autre côté, elle fait la crème anglaise, elle monte les œufs, elle fait deux cuillères à mettre dessus en petit tas, elle saupoudre de sucre, ouvrir le four, mais laisser la porte ouverte, surveiller le grill. Tourner pour que le sucre soit caramélisé, saupoudrer avant de mettre au four. Et voilà. Et j'adore. Les œufs à la neige avec diplomate, donc façon Marie-Josée, qui a une présence discrète dans ce livre, mais on le comprend bien, extrêmement importante, votre femme, Alan Stivell. On va laisser maintenant les auditeurs découvrir le livre. Réécoutez la recette, hein, ce sera sur FranceBleu.fr, Brésil, dans Fier de ma Bretagne. Je rappelle le nom de votre livre, Stivell par Alan, aux éditions Ouest France. Merci, Brasse Dehors. Merci, Brador. Quel arrêt à trop. Quel mot. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux. Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Brésil. Il est 17h sur France Bleu Brésil. Nous sommes le 18 octobre. L'actualité, Valérie Lonigène, bonjour. Bonjour. Dans le Finistère, des alertes à la bombe par courriel qui ont provoqué des évacuations. L'aéroport de Brest, des établissements scolaires de Brest aussi, qui pour la plupart étaient vides puisque nous sommes mercredi, mais également l'ENIB, l'École nationale d'ingénieurs de Brest. C'est un phénomène national. En France aujourd'hui, plusieurs aéroports ont été évacués après des alertes à la bombe. Israël accepte l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza via l'Égypte. Le premier à l'annoncer cet après-midi a été le président américain en visite à Tel Aviv, Joe Biden, qui a appelé Israël à ne pas répéter les erreurs commises par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. À Paris, le Conseil d'État était sollicité aujourd'hui sur la légalité des interdictions des manifestations de soutien aux Palestiniens après l'ordre envoyé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de toutes les interdire. Eh bien, le Conseil d'État estime qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas s'il y a un risque de trouble de l'ordre public. Un appel avait été interdit par le sous-préfet de Brest mercredi dernier. La FRSEA a opposé à la proposition d'une expérimentation zéro glyphosate en Bretagne. Le syndicat agricole dit s'y opposer car les expérimentations grandeur nature qui ont été menées à la demande du conseil régional de Normandie ne marchent pas. Il propose à la région Bretagne d'utiliser les fonds prévus pour cette expérimentation pour aider les agriculteurs à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Une cinquantaine de tracteurs et environ 200 manifestants à la mi-journée devant la préfecture des Côtes d'Armor. Un rassemblement à l'appel de la Confédération Paysanne et du Groupement des Agriculteurs Biologiques. Ils se plaignent d'avoir signé des MAEC, des mesures agro-environnementales et climatiques. Ils ont engagé de l'argent mais l'enveloppe n'est finalement pas suffisante. Il s'en est sorti un nageur en difficulté récupéré par les pompiers vers midi à la plage du Palu sur la commune de Plouha dans les Côtes d'Armor. L'homme âgé de 63 ans était en hypothermie. Il a été transporté à l'hôpital de Paimpol. Un nouveau jeu de grattage lancé par la Française des Jeux après la mission patrimoine qui permet de financer la restauration des sites emblématiques. Vous pourrez tenter à partir de lundi de participer à la mission nature, un jeu de grattage en faveur de la biodiversité. Et puis deux gagnants à des jeux de la FDJ, la Française des Jeux dans le Finistère, 124 000 euros à Quimper avec un ticket Euromillion validé dans la galerie marchande de Géant, et à Gouesnou dans la métropole brestoise. C'est un jeune couple qui a trouvé les 5 bons numéros du Super Loto. C'était le vendredi 13, hein, vendredi dernier. Leur ticket validé à Gouesnou leur apporte 100 000 euros. D'après la FDJ, ils ont expliqué vouloir construire leur maison et pourquoi pas se marier. Et que dit la météo, Axel ? Des averses encore ici ou là, entre des rares éclaircies. C'est quand même plus sec maintenant dans les Côtes d'Armor, avec 17 à 22 degrés. Le vent d'ouest, 65 km/h, sera un peu plus fort cette nuit, jusqu'à 85 km/h de sud, avec un temps plus menaçant en deuxième partie de nuit et des averses avec 12 à 15 degrés. Les minimales sont en baisse demain, 17 à 19. Ce sera 17 maxi vendredi et ce week-end, peut-être un petit 16. Pour demain, le soleil joue à cache-cache derrière les nuages, avec des averses assez présentes le matin, moins fréquentes ensuite, et du vent soufflant encore fort sur les côtes du Finistère et 55 km/h dans le Morbihan et dans l'est des Côtes d'Armor. Côté circulation, principal ralentissement à l'approche de Guingamp venant de Saint-Brieuc sur la Nationale 12 avec 2 km de difficulté. On a signalé un accident tout à l'heure dans ce secteur de Ploumagoire près de Guingamp. Les travaux de Quimper, dernier jour, encore patient jusqu'au 20 octobre, mais il y a quand même 5 km de difficulté entre Quimper et Briec sur la Nationale 165 en direction de Brest. France Bleu Brésil, le 16-18, Axel Perret. Bamzer, c'est l'expression du jour. On va parler du vent, on va parler de la météo dans le petit cours de breton dans 3 minutes avec Clémence Soubigou. Puis on recevra dans Côté Culture Jackie Mollard, le violoniste et comparse de Jacques Pellen, disparu en 2020. Lui rend hommage avec 5 musiciens. Jackie Mollard avec nous à 17h30 tout à l'heure. Le 16-18 de France Bleu Brésil, c'est avec Axel Perret. Always remember us this way. Voici Lady Gaga sur France Bleu Bray Zizel. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. Me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never.

ABC sur France Bleu Brésil, The Look of Love. Avant de vous accueillir en direct pour annoncer vos manifestations, c'est comme ça tous les après-midi au 02 98 53 65 65. Studio ouvert dans 3 minutes. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that something. Sur France Bleu, Brésil, studio ouvert. Vous avez la parole comme chaque jour pour annoncer vos manifestations en direct. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur France Bleu, Brésil, chaque jour au 02 98 53 65 65. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous voulez évoquer avec nous un rendez-vous pour cette fin du mois d'octobre ? Il y a même plusieurs rendez-vous, un week-end ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'association Famille Rurale de Pouzévédé, Saint-Vouguet et Présilisée organise son rituel week-end d'Halloween, samedi 21 et dimanche 22 octobre, donc le week-end prochain à Pouzévédé. Donc on est entre l'Andivisio et puis la côte nord, hein, le pays de Cléder, autour de Pouzévédé. Autour de Pouzévédé. Donc cette année, les animations se dérouleront autour de la salle du Milam à Pouzévédé, autour duquel donc vous allez retrouver un bus escape game qui est proposé par la Récré Nomade et qui vous a préparé un tout nouveau scénario pour les ados et les adultes. Donc certains ont déjà fait l'expérience l'année dernière, mais cette fois-ci c'est un nouveau scénario. Donc pour cela, vous pouvez vous inscrire sur Hello Asso et aussi retrouver en fait tous les liens d'inscription sur les réseaux sociaux de Famille Rurale. Et à l'intérieur de la salle du Milam, donc vous allez aussi retrouver de très nombreuses animations à destination des plus grands et des plus petits. des concours de citrouille, du bricolage, des jeux en bois. Nouveauté cette année, où la médiathèque de Plouzévédé va également animer des séances de contes pour les enfants, donc plutôt public un peu plus jeune. Et nous vous avons également préparé cette année un tout nouvel escape game pour les enfants de 6 à 12 ans. Ben voilà, c'est riche hein, pour ce moment de Halloween, en tous les cas à Plouzévédé dans le Nord Finistère. Merci Agnès. Merci à vous, au revoir. Et bel après-midi. Perrine est avec nous, bonjour, pour parler Groove. Oui, bonjour. Alors, il y a un concert à pas manquer ce vendredi à Carhaix. Oui, à l'Espace Glenor à Carhaix ce vendredi à 20h30. On a la grande chance d'accueillir le Bamba Wassoulou Groove qui nous arrive en direct de Bamako. La grande chance d'autant plus que c'est l'unique date en France. Ils seront en tournée ensuite en Espagne, mais c'est un groupe qu'on attend d'accueillir depuis longtemps. On les avait déjà accueillis dans le cadre de la saison du plancher, scène du Crazy Braise que nous organisons au départ de la grande boutique de Langonnette. Oui, ce groupe qui est né en 2013 et qui depuis a fait un beau parcours, dont le parcours a été un peu aussi interrompu par la crise sanitaire, forcément, hein, puisque les tournées internationales n'étaient pas vraiment possibles, et puis le sont toujours encore très difficilement du fait de l'absence de possibilité d'avoir de visa en ce moment pour les pays du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et donc les artistes passant par l'Espagne, c'est donc l'Espagne qui a délivré le visa Schengen, et on a pu respirer enfin hier quand ils ont eu leur passeport avec leur visa, et on sait qu'ils seront parmi nous ce vendredi. Donc ces trois guitares électriques un peu furieux sur scène. On a bien évidemment ce groove du Mali, mais on est aussi du côté du rock, du funk. En tout cas, c'est vraiment un groupe à découvrir. Ils ont une critique assez très élogieuse dans la presse nationale spécialisée. Les Inrecuptibles en parlent comme d'un groupe à découvrir de toute urgence. Donc ce seront ceux qui seront là auront beaucoup de chance, et je pense que on restera pas très longtemps assis dans les sièges de l'Espace Glenmore ce vendredi. Voilà, ce vendredi, confirmation, merci de nous avoir appelé de la venue du Bamba Wassoulou Groove. Ils viennent du Mali, concert à 20h30 donc à l'Espace Glenmore à Carhaix. Merci pour la bonne nouvelle Perrine, à bientôt. À bientôt. Matmata, de retour sur France Bleu Brésisel, avant de parler de la musique avec un hommage à Jacques Pellen, le guitariste et compositeur brestois. On sera avec Jacques Mollard, le violiste, dans Côté Culture dans quelques minutes. Les preuves seront ce qu'elles seront, bien assez tôt elles arriveront. Il faut déjà que le sang coule, coûte que coûte, faire bander les foules. La rumeur suffit amplement, commençons par fermer les yeux sur tout ce qui n'est pas accablant. Incendions et fumées sans feu. Est-ce que tout le monde a bien glissé son papier dans la gueule du lion? Allons camarades justiciers, c'est l'heure de la diffamation. Elle a tout pour plaire, la vindicte populaire. Elle a tout pour plaire, au vu du temps qu'on perd. Elle a tout pour plaire, la vindicte populaire. On a tout pour plaire, on est tous procureurs, mes frères. Confortons nos conjectures, nul besoin de discernement. Nous sommes nombreux, nous sommes puissants. Il faut que l'on jette en pâture. Épargnez-nous les détails, on ne fera pas dans la dentelle de charogne, on fera ripaille en embuscade dans les ruelles. Est-ce que tout le monde a bien pensé à son permis de délation? Allons camarades justiciers, c'est l'heure de verser le poison. Lorsque le peuple est apaisé, nos enfants s'endorment tranquilles maintenant que les têtes sont tombées. Que nous avons été utiles à notre bonne société où la justice. d'ailleurs sur le dernier album de Matt Matin qui vient d'être tourné en clip. Vous pouvez le découvrir sur évidemment les réseaux sociaux. L'album Miscellanée Bissextile. Et puis dépêchez-vous parce que Matt Matin en concert en novembre à l'Arena à Brest, ça approche très très vite. Et évidemment c'est le moment de prendre encore vos places pour ce concert qui donc débutera 20h30 le 24 novembre. C'est exceptionnel, après la grande tournée nationale des Brestois. Matt Matin sur France Bleu Brésisel dans quelques instants. Le violoniste, compositeur, musicien Jacques Mollard sera avec nous sur France Bleu Brésisel pour un hommage à Jacques Pellen. Il s'appelle le Porcelet Rose et c'est à Plouay en direct que je vous le présenterai dès 10h ce jeudi. Nous parlerons naturellement de saveurs de la table au Porcelet Rose. Auparavant, dès 9h, je vous amènerai à la rencontre de Didier Le Dimette qui se dévoue pour le club de foot d'Inguignel-Plouay depuis 1981. Et ça, c'est de l'engagement. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Un coup d'œil sur la circulation en Bretagne à 17h30 avec toujours un ralentissement à l'approche de Guingamp. Sur la Nationale 12, il y a 2,5 km de ralentissement juste avant, entre Saint-Agathon et Grasse en direction de Morlaix. Les travaux de Morlaix avec un petit kilomètre de ralentissement dans les deux sens, ça va durer jusqu'au 20 octobre comme les travaux de Quimper. Vous êtes fortement ralenti dans le sens Quimper-Briec sur environ 6 km et sur 2 km dans l'autre sens au niveau de l'André-Varzec. Et puis dans le pays de l'Orient, pour une fois ce soir, ça roule plutôt bien, sauf entre Lanester et Kervignac, sur le pont du Bonhomme, avec un bon 500 mètres, 1 km de difficulté ce soir. L'infotrafic 100% local, avec le conseil départemental du Finistère et ses agents qui entretiennent 3500 km de route. Pour leur sécurité, ralentissez. France Bleu Brésil, le 16-18, Axel Perret. Je rajoute à cette inforoute qu'on vient de nous signaler aussi un arbre sur la chaussée de la Nationale 12 à Saint-Égonnec dans le Nord Finistère en direction de Paris. Donc prudence dans ce secteur à Saint-Égonnec. Le vent est fort, il y a une vigilance jaune aux pluies, inondations, aux vagues, submersions également pour le littoral en Bretagne. On va parler musique et d'un grand compositeur, guitariste Jacques Pellen qui nous a quittés en 2020. Et bien des musiciens qui l'ont côtoyé lui rendent hommage avec un concert demain à Brest, à Macorlan. Jacques Mollard, violoniste de Spézette dans les Montagnes Noires, est avec nous pour en parler dans Côté Culture. Et puis, Côté Musique, on évoquera le tube de Goldman pour Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Ce sera tout à l'heure dans France Bleu Collector, dans une vingtaine de minutes. France Bleu, Brésisel, Côté Culture, Axel Perret. Un quintet pour Triptyque, un hommage au guitariste et compositeur brestois Jacques Pellen qui nous a quittés en 2020. Il avait participé notamment à l'héritage des Celtes, accompagné Gilles Servat, créé Celtic Procession et fondé le fameux trio PSG. Rien à voir avec le football, mais avec les guitaristes Swag Sibéril et Jean-Charles Guichène. Il avait réveillé les chemins bretons du jazz et formé justement Triptyque, un trio, avec Patrick Mollard, la cornemuse et aux flûtes, et le violoniste Jacques Mollard qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Brésisel. Vous donnerez un concert hommage à Jacques Pellen demain, à Macorlan, rive droite à Brest, dans le cadre de l'Atlantic Jazz Festival. Je vais préciser un triptyque, mais vous serez 5 sur scène ? Oui, parce que on peut pas être 3. Jacques est parti, et puis c'est pour remplacer Jacques, on peut pas le remplacer par un autre guitariste. C'est pas, donc la question était de remplacer et de pas le remplacer, mais de faire jouer des musiciens qui l'ont connu et qui avec qui il avait joué et qui par contre qui possédait son esprit. Et donc on conserve l'esprit de triptyque qu'on avait à trois, et on a beaucoup tourné avec cette formule en trio, hein, un peu partout. C'est rien passé, on n'a pas eu de demande. J'ai eu vraiment, fallait que je fasse quelque chose pour Jacques, puisque il est parti comme ça, très violemment. Et voilà, l'idée c'était ça, c'est de faire rejouer le triptyque, quoi. Alors à vos côtés, Patrick Mollard à la cornemuse, votre frère, Ronan Pellen, qui est aussi de la famille, hein, le neveu de Jacques au sistre, et Sylvain Barou à la flûte, Hélène Barrière à la contrebasse. Par exemple, Sylvain Barou l'avait accompagné sur, je crois, ce qui fut le dernier album posthume, hein, de Jacques Pellen, sorti en 2021. Oui, enfin, il a pas mal joué avec lui. Il a été aussi invité dans la Celtic Procession, parce qu'on s'est retrouvé à jouer ensemble à une époque. Sylvain Barou, c'est un baroudeur. Il joue vraiment tout le temps à travers le monde, et il possède des qualités incroyables. Et c'est pour ça, je l'ai invité parce que c'était le dernier musicien qui avait joué avec lui, avec Jacques. Et je sais qu'il a été très très très perturbé par la mort de Jacques, comme nous tous. Mais lui, il était en action avec lui, hein, à ce moment-là, quoi. Et donc Hélène Labarrière à la contrebasse, oui, parce qu'elle, elle amène le côté jazz, justement, que Jacques adorait, et non seulement il adorait, mais c'était un jazzman. Il disait, je suis jazzman sous contrôle breton. Voilà. Ça résume un petit peu, justement, son approche par rapport toujours à des bases traditionnelles, qu'elles soient bretonnes ou celtiques. Oui. Il y avait de la composition, il y avait de l'improvisation, il y avait un esprit de jazz. Ah bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a permis, nous, avec Triptyque, c'est de faire une musique où l'improvisation est arrivée. Parce que nous, on était quand même, Patrick et moi, plutôt dans des chemins de la tradition, enfin améliorer, je dirais, avec Guerz et Den et des choses comme ça. Mais l'improvisation à la manière de Jacques, c'est-à-dire l'ouverture, la grande ouverture les grands espaces. C'était ça, vraiment, c'est sa musique. Et donc, oui, de l'improvisation et des compositions. Alors là, on va jouer un répertoire, justement, qui était un peu celui de Triptyque, mais pas que. Il y a aussi tout ce qu'on a fait. On a fait des morceaux avec Celtic Procession. On l'avait invité aussi avec Bal Tribal quand on a fait notre formation avec les trois frères Mollard. Et il y a des morceaux qui sont issus de ça. Enfin, ce sont des morceaux où Jacques a joué, de toute manière. Alors on va écouter, on va se replonger dans les années 90, puisque cette aventure Triptyque avec Jacques Pellen, avec votre frère Patrick Mollard à la cornemuse, et vous-même, Jackie Mollard, a duré plusieurs années. Il y a eu un enregistrement, on va écouter un extrait de cet album, donc qui est sorti en 1991 et qui s'appelle Marcha Processionnal. Triptyque sur France Bleu Brésil. Nous sommes avec Jackie Mollard sur France Bleu pour cet hommage à Jacques Pellen. Thank you. processionnal, extrait de l'album Triptyque avec Jacques Pellen, Patrick Mollard et notre invité Jackie Mollard sur France Bleu Brésisel. France Bleu Brésisel, côté culture, Axel Perret. Jackie Mollard, on vient d'entendre un extrait de l'album paru en 1991, Triptyque, un album qui nous fait voyager entre Galice, Bretagne et Chypre. À chaque fois, ce sont des morceaux arrangés, notamment par vous-même ou par Jacques Pellen, inspirés de la tradition, qu'elle soit bretonne, écossaise, irlandaise. Oui, enfin, pas à chaque fois justement. Y a, évidemment, il y a beaucoup de nos spécialités, c'est ça, hein, les musiques bretonnes, écossaises, galiciennes, parce qu'on a beaucoup voyagé là-bas, et les musiques des Pays de l'Est, parce que moi je me suis intéressé beaucoup. Mais il y avait aussi tous les aspects jazz de Jacques. Par exemple, dans ce disque, on joue un morceau du guitariste Paul Mossian. Hein, c'est un disque, c'est un morceau vraiment d'un trio de jazz. Donc, on l'a, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il voulait que Patrick le joue au biniou. Donc, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Ouais. Alors là, vous, vachement bien. Sur cet album, vous jouez vos instruments, le violon, bien sûr, mais aussi la petite guitare ou la mandoline. Oui. Alors, cette aventure triptyque avec votre frère et Jacques Pellen vous a emmené loin. Vous avez quasiment tourné 10 ans avec Oui, puis on est allé effectivement dans pas mal d'endroits du monde, parce qu'on est allé pas mal en Europe, évidemment sur les circuits habituels, mais aussi au Québec, aux États-Unis, puis on est même allé au Yémen. On s'est retrouvé au Yémen à Sanaa. À l'époque, c'était formidable d'ailleurs, un voyage incroyable avec ce trio. Et en Bretagne, évidemment, on a joué partout. Hein. Et puis, en même temps, on créait avec Jacques la Celtic Procession. C'est-à-dire que c'est la même époque. Et donc, on était en fait très, très, très liés à ce moment-là. On jouait beaucoup ensemble. Et en plus, on avançait sur la création ensemble, quoi. Avec un album qui sortira en 1993. Lorsque vous dites que vous êtes au Yémen avec Triptyque, les gens se reconnaissaient dans cette musique, ça leur parlait, même si elle venait de Bretagne? Alors, je dirais que les gens, ils découvraient quelque chose. Et pour eux, la musique occidentale, c'était pas ça. C'est toujours pareil. Et quand on voyage avec une musique traditionnelle, les gens croient, quand on va à l'étranger, croit que la musique des Européens ou des Occidentaux, c'est la musique classique ou la musique, disons, anglo-saxonne. Oui. Et dès qu'ils entendent une musique traditionnelle qui pourrait finalement être qui ressemblerait presque à la leur, parce qu'ils ont des instruments aussi, il y a des cornemuses un peu partout dans le monde. À chaque fois, on a un étonnement, quoi, de la part des gens, et puis ils viennent facilement après nous, vers nous. Vous vous souvenez comment vous avez, Jackie Mollard, rencontré Jacques Pellen? Comment s'est fait le début du chemin? Alors, la toute première fois que je l'ai rencontré, c'était Mylène Savenec qui était en tournée, et il tournait avec Jacques, et il m'avait invité pour cette tournée de quelques concerts, et donc on a fait c'est bien avant 92, hein. C'était dans les années 80, 86, 87, quelque chose comme ça, et on a fait une petite dizaine de concerts ensemble avec Jacques, quoi. C'était ma première rencontre, et après on a été sans se voir, et après Jacques m'a appelé un jour et m'a parlé de ça, de cette fameuse Celtic Procession. Il voulait faire ça. Puis on a en même temps, une fois qu'on a travaillé ensemble, on a mis Triptyque en marche, quoi. Il y a dans sa musique, Jacques Pellen, une rythmique particulière, peut-être un doigté en tant que guitariste qu'il était. Beaucoup parlent de spiritualité aussi dans sa musique. Ben absolument. Bon, alors techniquement, c'est vrai qu'il avait une technique de main droite terrible qui lui permet de faire des arpèges complètement, et c'est des myriades de notes, quoi. Avec des espaces, des très grands espaces, ça crée de l'espace incroyablement. Et effectivement, il y a un esprit, quoi. Même moi, c'est avant tout ce que je voulais reproduire dans ce qu'on va jouer demain, c'est ça, c'est cet esprit de Jacques, quoi. Et il y a ces grands espaces, en fait. On part dans des grands espaces. demain, jeudi, au Macorlan à Brest, rive droite à 20h30 dans le cadre de l'Atlantic Jazz Festival. Donc à vos côtés, Jackie Mollard, vous êtes au violon, il y a Hélène Barrière, la contrebasse. Hélène Labarrière, la contrebasse. Patrick Mollard, votre frère, la cornemuse. Sylvain Barou, le flûtiste. Et Ronan Pélène, au sistre, pour justement retrouver, faire revivre l'esprit de Jacques Pélène. Et vous serez également en concert pour ce spectacle à Amzernevé, à Plumeur, dans le Pays de l'Orient. Mais ce sera au début d'année, le 2 février 2024. Merci Jacques Mollard d'avoir été avec nous dans Côté Culture. Merci. Merci à vous. Au revoir. France Bleu, Brésil, Côté Culture, Axel Perret. Avant de continuer à parler de musique, et cette fois-ci de Goldman qui écrit pour Céline Dion dans France Bleu Collector. Voici Zaz qui invite Léo Rizzi sur France Bleu Brésil. Serene Dimpia, c'est le nom de cette chanson. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse, je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. Avec la chanteuse Zaz sur France Bleu, Brésil. Quand Céline Dion profite de la plume de Jean-Jacques Goldman, ça donne un tube. Et sans oublier René Angelil. Pour que tu m'aimes encore, vous nous racontez l'histoire Nicolas Lespaul dans France Bleu Collector. Absolument, un des rares collecteurs francophones à avoir eu du succès dans des pays qui ignorent même où se trouve la France. L'histoire de ce collecteur commence un samedi soir de 1983, où dans l'émission de télévision Champs-Élysées, Michel Drucker présente Céline Dion, une jeune Québécoise de 14 ans dotée d'une voix à couper le souffle.

Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La nostalgie ». À ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalgie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La nostalgie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Brézizel. 18h sur France Bleu Brézizel, les infos. Valérie Lenigène. Ralentissement de 5 km à Quimper en direction de Bray sur la voie express. La météo avec des averses, du vent cette nuit, 85 km/h et 13 degrés. Demain, c'est plus calme l'après-midi avec 18 degrés. Dans le Finistère, des alertes à la bombe par courriel, Valérie, ont provoqué des évacuations. L'aéroport de Brest, mais également 33 établissements scolaires dans le secteur de Brest, donc des écoles, collèges ou lycées qui pour la plupart étaient vides puisque nous sommes mercredi, mais également l'ENIB, l'école nationale d'ingénieurs de Brest, qui a dû être évacuée. Alors c'est un phénomène national. En France aujourd'hui, le château de Versailles et 9 aéroports régionaux ont dû être évacués. À Brest, ce sont les passagers qui n'étaient pas encore en embarquement qui ont été concernés. Les vols n'ont pas été perturbés. Le journaliste franco-afghan Mortaza Bedoudi a été libéré. Ce réalisateur douarnenis de cœur était détenu en Afghanistan depuis 284 jours. On a appris il y a moins d'une heure que la justice talibane a ordonné sa libération. Réaction de Caroline Trouin du comité de soutien breton. Nous, on tient la nouvelle de sa compagne qui nous a appelé tout de suite, mais on sait qu'il y a eu une très forte et une très durable mobilisation de RSF qui a mené à cette décision non seulement de libérer mais aussi de l'acquitter. Et ils ont accompli vraiment un boulot qu'on a suivi semaine après semaine et qui est assez fabuleux. Voilà. On remercie tous les gens qui ont fait confiance, qui sont venus à des manifestations de soutien alors qu'on pouvait rien leur annoncer. C'est important pour Mortaza, c'est important pour Alexandra, sa compagne, et ça va les aider à reprendre la route. Donc désormais, vous attendez le retour de Mortaza en France, j'imagine. En France, puis en Bretagne, puis à Douarnenez, voilà, c'est son port d'attache. Il aime cet endroit depuis 2016 et il avait émis le souhait à un moment de s'y marier. On va voir ce qu'il nous réserve. Le soulagement de Caroline Troin au micro de Baptiste Schweitzer. Israël accepte l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza via l'Égypte. Autorisation de faire entrer de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Netanyahou précise que tout approvisionnement qui arrivera au Hamas sera neutralisé. Le bombardement de l'hôpital de Gaza hier soir, selon la Maison Blanche cet après-midi, des images aériennes et des communications mettre Israël hors de cause. À Paris, le Conseil d'État a été sollicité sur la légalité des interdictions des manifestations de soutien aux Palestiniens, après l'ordre envoyé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de toutes les interdire. Eh bien, le Conseil d'État estime qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas s'il y a des risques de troubles de l'ordre public. Ce n'est pas normal, estime Youn Jardin, qui est porte-parole de France-Palestine Solidarité pour la Cornouaille. Il y a des manifestations dans tous les pays du monde. Il y a des alliés très proches d'Israël comme les États-Unis où on manifeste. Il n'y a pas d'interdiction de manifester. En France, c'est quand même, ça pose des questions sur la démocratie. Quand il y a eu les bombardements à Gaza en 2014, que les Israéliens ont appelé bordure protectrice, on a fait 8 manifestations, dont 7 à Quimper. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public, ni de slogans antisémites, ni de choses comme ça. Je ne nie pas que ça puisse arriver dans certains endroits, que ça puisse se produire. Mais ici, ça n'a jamais été le cas. Il y a beaucoup de villes où ça se passe sans problème. Le droit de manifestation doit être appliqué, doit être exercé. Et s'il y a des abus, on voit quelle décision on prend.